Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Toi qui écoutes les conseils des amis qui cherchent à détruire ton foyer, écoute-moi bien ma sœur. Elles sont jalouses de toi. N'écoute pas tout ce qu'elles te disent. Elles veulent te pousser au divorce. Elles veulent te pousser à l'infidélité. Le mari que tu as, le mari que Dieu t'a donné, ne le méprise pas à cause du salaire, du petit salaire qu'il a aujourd'hui. Sache que, à cause de Jésus, dans les années qui viendront, tu vas voir comment Dieu va les bénir et vous serez dans la joie, vous serez heureux. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire aujourd'hui Éphésiens 6, 10 à 13. Notre texte d'aujourd'hui dans le cadre de notre émission de prière OSB, c'est Éphésiens 6, 10 à 13. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Nous avons deux grandes vérités que nous voulons partager avec vous. La première vérité, c'est un impératif. Fortifiez-vous dans le Seigneur. En d'autres termes, Dieu nous demande de puiser notre force en Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un qui m'entend ce matin. Il y a des amis qui t'ont dit que pour que tu sois fort, il faut que tu adhères dans un mouvement. Ils t'ont remis même des formulaires à remplir. Mon ami, tu es sur le mauvais chemin. Est-ce que tu comprends? Si tu t'engages dans cette voie-là, laisse-moi te dire que tu vends ton âme au diable. Notre force ne vient pas dans l'adhésion d'un groupe occulte ou mystique quelque part. Toi qui es chrétien, la nomination que tu as, les postes que tu occupes, ce n'est pas ce mouvement qui t'a donné. Tu as vu un homme de Dieu qui a prié pour toi. Tu t'es confié au Seigneur, tu as jeûné. C'est ainsi que Dieu a débloqué la situation. Mais d'où vient qu'aujourd'hui tu veux commettre cette erreur? Et ta femme t'a averti. Il t'a dit, chérie, il ne faut pas entrer dans ça. Et la vie même en vision quelque chose de mauvais, un songe qui t'a raconté. Mais toi, tu veux t'endurcir. Non, mon frère, je te parle à toi. Ce que tu veux prendre comme décision, c'est une erreur. Le Seigneur dit, c'est lui ta force. Fortifie-toi en Jésus. Il n'y a pas une puissance qui soit au-dessus de la puissance de Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te protéger. Ce n'est pas un homme qui peut te protéger. C'est Dieu qui te protège. Tu vois, dans la Bible là, un roi comme David, il avait toute la capacité militaire. Mais il ne se confiait pas à son armée. Il ne se confiait pas aux hommes. Il s'est confié en l'Éternel. Au point où il pouvait dire, ceci s'appuie sur leurs chats, cela sur leurs chevaux. Mais nous, nous invoquons le nom de l'Éternel. Et il plie et il tombe. Je parle à toi qui m'entends. Mon ami, on t'a invité au village. On a dit, il faut offrir des sacrifices. C'est là que tu seras fort. C'est là où tu auras la protection. Si les choses ne marchent pas, si ta femme n'arrive pas à enfanter, c'est parce que tu as irrité les ancêtres. Mon ami, toi tu es chrétien, tu connais la Bible. Tu dois te poser la question, est-ce que la Bible accepte ces choses-là? Et tu veux te plier à un homme pour le plaire au lieu de plaire à Dieu. Le Seigneur dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire un chrétien, il tire la puissance dans le Seigneur. Lorsque tu passes du moment dans la prière, tu te confies en Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, on dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, tout est puissante. Il y a des gens qui cherchent la puissance. Mais je vais te dire que la vraie puissance se trouve en Jésus de Nazareth. Il pouvait dire, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Lorsque tu es avec Jésus, tu es avec celui qui est le tout-puissant. Il peut te donner la puissance nécessaire pour que tu puisses gravir les échelons au niveau de ton travail. La puissance dont tu as besoin dans le ministère. Je veux parler à un pasteur. Écoute-moi bien. Il y a des amis qui t'ont dit, si tu veux avoir l'onction, il faut payer l'argent quelque part. Mon ami, c'est dangereux. On t'a dit, il faut faire des cérémonies, vous allez prier quelque part à partir de minuit, vraiment, et on va te faire une onction spéciale. Mon ami, il faut faire attention. Ça, c'est ce qu'on appelle l'initiation. Le mouvement là où on t'a dit, il faut être connecté. Il faut bien vérifier. Il y a des connexions qui sont diaboliques. La puissance dont tu as besoin dans le ministère, c'est la puissance de Jésus de Nazareth. C'est la puissance du Saint-Esprit. L'onction, ça ne s'achète pas, mon ami. Deuxième vérité. Concerne l'importance des armes spirituelles. Vous voyez, il y a le deuxième impératif qui dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Il y a beaucoup de gens, s'ils connaissent des défaites, c'est parce qu'ils ne sont pas revêtus de toutes les armes. Vous voyez ici, je vais insister sur le mot « toutes les armes ». On ne dit pas il faut avoir quelques armes. Il faut que tu sois revêtu. C'est pourquoi à OSB, le matin lorsqu'on vous réveille, c'est pour que vous soyez revêtu chaque jour. Un soldat qui n'est pas équipé, lorsque tu sors et que tu oublies ton arme, c'est dangereux. Ton ennemi peut vérifier que tu n'as pas porté ce jour-là ton arme et il risque maintenant de t'attaquer. Chaque jour, c'est un combat. Est-ce que tu comprends? Fortifiez-vous dans les... et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi avons-nous besoin des armes de Dieu? Il y a trois raisons. Première raison, c'est pour tenir ferme contre les ruses du diable. Nous vivons des moments difficiles où parfois c'est difficile de reconnaître les ruses du diable. Quand on dit que quelqu'un est rusé, cela veut dire que ce n'est pas facile de découvrir que ce qu'il fait là, c'est contre ta vie. C'est de manière sournoise parfois que le diable fait. Aujourd'hui, par exemple, l'une des stratégies que Satan utilise, c'est de s'infiltrer dans l'église. Vous voyez, d'infiltrer des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Ma sœur, il y a un prophète qui t'a donné une vision. Elle a donné des précisions en te disant, voilà, Dieu m'a révélé le mari avec lequel tu vas te marier. Il t'a même donné le nom de ton papa. Il t'a dit même des choses qui se passent dans ton village. Et même si ces choses sont vraies, mais écoute-moi bien, ça c'est parmi les ruses du diable. La Bible dit ceci, il se déguise en ange de lumière. Il faut vérifier dans la Bible, tu vas lire dans Actes chapitre 16, il y avait une servante qui avait un esprit de python. Elle disait des choses vraies, mais l'esprit qui était derrière là, c'était un démon, un esprit de python. Ne te laisse pas séduire. Est-ce que tu comprends? Tout ce que ce faux prophète te dit là, il va t'induire dans l'erreur. C'est pour te captiver. Et après, c'est pour te demander l'argent pour que tu donnes l'offrande. Tu es dans l'erreur, ma sœur. Même si tu cherches un mari, ne tombe pas dans ce piège. Ce sont des ruses du diable. Il y a beaucoup de ruses aujourd'hui. Il est très rusé. Mais si tu ne portes pas des armes, tu ne vas pas découvrir ces ruses-là. Mais si tu es bien armé, tu es bien équipé, tu seras en mesure de découvrir les ruses du diable. Vous voyez, c'est pourquoi même dans la stratégie militaire, ils ont ce qu'on appelle des loupes pour vérifier. Aujourd'hui, par exemple, pour découvrir si quelqu'un est passé quelque part, on a ce qu'on appelle les tests de ADN. Vous voyez, nous avons aussi des choses spirituelles qui peuvent nous aider à discerner les ruses du diable. Alors, il faut que tu sois équipé spirituellement. Deuxième raison pour laquelle les armes sont nécessaires, c'est parce que nous luttons contre les ennemis invisibles. Le verset 12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu vois, ton combat là, ce n'est pas contre ton oncle là qui est sorcier. Je parle à quelqu'un. Tu es irrité. Tu as décidé même de frapper ton oncle parce qu'on dit que c'est lui qui bloque ton travail, ton mariage. Non, ce n'est pas un combat charnel. Mais le combat contre lequel tu es engagé, c'est contre les dominations, les autorités. Ce sont des hiérarchies des démons, vous voyez. C'est comme une hiérarchie militaire. Lorsque tu combats contre un démon qui a un grade, par exemple, de commandant, un grade de colonel, mon ami, il faut peut-être des jeûnes de plusieurs jours, vous voyez, parce que c'est un esprit qui a de la résistance. Je vais parler à quelqu'un. Tu vois comment ton mariage connaît une résistance. C'est parce que le démon qu'on a signé, il est derrière là pour bloquer. Il a un rang supérieur. Mais j'aimerais te dire que tu vas le vaincre dans le nom de Jésus. Parce que la Bible dit qu'à la croix, Jésus a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Nous luttons contre le prince de monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux invisibles. Ce n'est pas toujours en mangeant, à checker, en mangeant les bananes, les poulets braisés. À un moment donné, tu dois apprendre à mettre de côté la nourriture si tu veux être victorieux. Est-ce que tu comprends? Troisième raison pour laquelle nous devons porter les armes, c'est pour résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours, ce sont des moments d'épreuve. Quand par exemple tu as perdu un être cher, je vais parler à une vieille, tu viens de perdre ton mari, ça fait très mal. Et pendant ce temps-là, tu te poses la question, comment est-ce que je vais nourrir les enfants? Tu as plus de 4 enfants. C'est alors que les gens vont venir te proposer. Il y a des hommes qui vont venir pour dire, bon, moi je vais m'occuper de tes enfants, moi je vais te nourrir, moi je vais te proposer tel travail, des travaux compromettants. Toi tu ne peux pas faire ça. Alors, cependant que tu es dans les mauvais jours, les moments de preuve, les moments difficiles où l'ennemi va te donner des propositions. Je vais parler à une sœur, écoute-moi bien, ça fait longtemps, tu as fait plus de 3 ans sans travailler. Et maintenant, pour payer ta maison, ça devient difficile. Alors, il y a un monsieur, un directeur qui t'a dit, il t'a proposé d'être sa deuxième femme, son deuxième bureau, qu'il va te donner une maison, te loger, te donner une voiture. Et tu es tenté d'accepter. Laisse-moi te dire que si tu acceptes là, tu vends ton âme à Satan. C'est pourquoi tu dois être fortifié pour tenir ferme. Laisse-moi te dire, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Ce moment difficile que tu vis là, ce sont des moments de transition. Le Dieu que tu as servi, le Dieu pour qui tu as été fidèle, tu as combattu, il ne va pas t'abandonner. Tiens ferme. C'est pourquoi il faut que tu sois revêtu chaque jour des armes de Dieu pour que tu puisses tenir ferme. Parce que tu connais beaucoup de pressions, pression des amis, pression de la famille. Mais il faut que tu puisses tenir ferme. Parce que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Le Seigneur ne va pas t'oublier. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais ce matin que nous puissions le louer, que nous puissions le glorifier. Chantons ces cantiques. Loué le Seigneur. Loué Jésus. Tu es digne, Jésus, tu es digne. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne d'être glorifié. Jésus, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne, mon Dieu, tu es digne. Tu es digne qu'on danse pour toi. Tu es digne, mon roi, tu es digne. Tu es digne qu'on danse pour toi. Jésus, tu es digne, tu es digne, tu es digne qu'on danse pour toi. Tu es digne, tu es digne, tu es digne qu'on danse pour toi. Tu es digne, Jésus, tu es digne, tu es digne qu'on chante pour toi. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Qu'on chante pour toi. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne qu'on chante pour toi. Tu es digne, Jésus, tu es digne. Tu es digne qu'on chante pour toi. Tu es digne, Jésus, tu es digne. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être acclamé. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être acclamé. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu, il est tout puissant, il est digne de louange. Élevons ensemble nos voix, commençons à bénir ce Dieu-là qui est tout puissant, il est El Shaddai, celui qui nous fortifie, celui qui ne nous abandonne jamais. Bénissons son nom. Te bénissons, notre Dieu, toi qui ne déçois pas ceux qui se confient en toi. Oui, Seigneur, les psalmistes pouvaient dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Seigneur, sois béni de ce que c'est toi qui prends soin de ton peuple. C'est toi qui les soutiens, c'est toi qui les garde, c'est toi, ô Père, qui est son bouclier, sa force, son appui et son abri. Sois béni, Seigneur, toi, notre protecteur. Oui, Seigneur, tu nous protèges contre la main du méchant. Oui, Seigneur, nous voulons dire, comme ta parole nous le dit, que la main du méchant ne m'atteigne pas. Seigneur, merci de ce que c'est toi qui protèges, c'est toi qui soutiens. Que l'honneur et la gloire te reviennent. toi le Dieu qui est pour nous un abri sûr. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière que nous appelons en acronyme OSB, Opération sur la brèche. Nous prions selon les Saintes Écritures. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Le passage du jour, c'est Éphésiens 6, 10 à 13. Nous venons de voir que nous devons nous fortifier dans le Seigneur, non pas dans les fétiches, non pas dans le maraboutage, non pas dans le mysticisme. Puisons notre force dans le Seigneur. Tu vas prier. Peut-être que toi qui m'entends, ces derniers temps, tu es faible spirituellement. Tu vas prier pour que le Seigneur te fortifie. Tu vas prier pour que la puissance divine puisse agir dans ta vie, dans ton ministère, dans tes projets, dans ton travail. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur. Béni sois-tu, ô Père, toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Toi qui es notre bienfaiteur, toi qui es notre forteresse, notre haute retraite et notre libérateur, notre bouclier et celui qui est notre refuge. Ce matin, nous te bénissons, ô Père éternel, nous te rendons grâce et nous te glorifions pour tous tes hauts faits, pour toutes tes grandes réalisations. Nous demandons, ô Père éternel, que tu permettes à ce que nous puissions toujours être fortifiés en toi. Renouvelle nos forces, ô Père éternel. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ, que nos forces spirituelles soient renforcées, que nos forces morales soient renforcées, que nos forces émotionnelles, intellectuelles soient renforcées dans le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, ô Père éternel, que ta grâce se manifeste dans nos vies. Nous prenons autorité sur toute forme de source de diminution de nos forces, toute forme de piège de diminution de nos forces, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous fortifierons toujours dans le Seigneur. Il n'y a aucune autre source de fortification. Il n'y a aucun autre endroit où nous pouvons avoir de nouvelles ressources, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour ce privilège que tu nous donnes. Merci Père éternel pour cette grâce que tu nous donnes, parce que nous sommes forts et nous sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur. Et nous sommes protégés, nous sommes sécurisés. Et c'est par ta force toute puissante que nous pouvons contribuer à l'avancement de ton œuvre. Toi qui fais de grandes choses, toi qui réalises de grandes choses dans nos vies, toi qui nous as appelés, merci parce que tu nous fortifies pour être de dignes représentants de ton Fils Jésus-Christ sur la terre. C'est en son nom, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir trois raisons pour lesquelles nous devrons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. La première raison, c'est que nous devons nous revêtir de toutes ces armes parce que nous devons tenir ferme contre les ruses du diable. Aujourd'hui, le diable utilise plusieurs ruses. Tu vas prier pour que Dieu d'abord te donne la sagesse. Que Dieu te donne la fermeté. Afin que chaque fois que l'ennemi vient avec ses ruses, que ce soit même au milieu des chrétiens, dans l'église, que ce soit dans la famille, que ce soit là au travail, que toutes ces ruses soient dévoilées et que ces stratégies soient sans effet au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Nous voulons te dire merci ce matin parce que nous savons à qui nous avons cru, Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, notre Seigneur, le Roi des Rois. Il a remporté la victoire sur le diable. Il a livré ses œuvres en spectacle. Avant de partir, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toutes les œuvres du diable. Et rien ne pourra nous nuire. En son nom, il nous a demandé de guérir toute infirmité, de guérir toute maladie et de chasser les démons par son nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit. Nous nous levons ce matin contre toutes les ruses du diable. Nous nous levons ce matin contre toutes les planifications du diable. Nous nous levons ce matin contre toutes les alliances. Tout le diable s'est envoyé, tout leur suppôt. Au nom de Jésus-Christ, nous mettons la confusion. Nous mettons le feu maintenant. Et nous désorganisons son camp. Jusqu'en fin d'année, toutes ces programmations n'ont aucun effet sur nos vies, sur nos maris, sur nos femmes, nos enfants, nos projets, nos vies maintenant. Qui libère ? Au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Nous marchons contre tes œuvres. Jésus a remporté la victoire sur la croix de Golgotha. Il a dit, tout est accompli, tout est accompli. Tes œuvres sont livrées en spectacle. Sois béni ce matin, parce que nous marchons de victoire à victoire. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous venons de voir aussi que nous luttons contre les princes du monde des ténèbres, les puissances invisibles. Il y a des esprits méchants qui sont derrière certains blocages, les blocages de ton mariage, les blocages de ta nomination, les blocages de l'enfantement, les blocages de ton visa, les blocages qui font qu'on t'appelle pour travailler. Mais la veille, ou bien le jour même là, on te repousse, ou bien il y a quelque chose qui empêche. J'aimerais que tu puisses prier maintenant pour te lever contre ces esprits méchants, contre ces démons, des blocages dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, proclame la victoire par le sang de l'agneau. Proclame la victoire que Jésus t'a acquise il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha et repousse-les au nom de Jésus. Merci et merci notre Dieu. Nous bénissons le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu qui était, qui est et qui vient. Le Dieu qui a versé son sang et Paul a eu la révélation en disant dans Colossiens 2 verset 14 que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il a détruit en le clouant à la croix. Ce matin, par l'autorité qui nous est conférée, nous nous levons contre tout esprit de blocage qui empêche maintenant notre épanouissement physique et financier au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons tous ces esprits qui nous empêchent d'être nominés, qui nous empêchent, oui, d'être élevés, qui nous empêchent d'avoir ce dont nous avons besoin. Nous nous levons aussi pour détruire, effacer tous les actes de condamnation qui pesaient sur notre enfantement. Ce matin, nous disons non à toute œuvre de l'ennemi, toute main négative à de l'ennemi qui nous empêche d'enfanter, qui nous empêche de nous multiplier, qui nous empêche, oui, d'évoluer, de grandir, de progresser financièrement et matériellement, dans nos carrières, dans nos activités, dans tous nos projets. Ce matin, nous détruisons toutes les alliances démoniaques de maladies dans nos corps. Nous détruisons tout esprit de mort qui influence notre système, qui influence notre corps. La Bible dit, je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Telle est notre portion. Ce matin, je décrète la liberté, je décrète la faveur divine, je décrète que toutes les portes s'ouvrent devant de nous. Et maintenant, nous sommes aptes à être bénis, à témoigner au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons notre rendez-vous bonheur conjugal de ce dimanche 29 novembre 2015 à partir de 17h au CPE. Ce sera une série d'enseignements que nous allons commencer. Comment éviter les mauvais départs pour votre futur mariage? La mise en place va commencer à partir de 16h30. C'est pour les célibataires. Même les mariés qui veulent venir peuvent venir. Nous allons passer des temps intenses de prière pour que Dieu nous délivre des pièges. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB, à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.